À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les membres des représentations diplomatiques et institutions internationales et les attachés militaires en Corée, ainsi que d'autres hôtes étrangers, ont visité le 8 juillet le Palais du Soleil de Kumsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.